troisième temps de notre série consacrée à la fabrique de l'information dans la fabrique de l'histoire. Ce matin, le contrôle de l'information au XVIIe, XVIIIe siècle. À la mort d'Henri IV en 1610, la cour craint les émotions populaires qu'elle va s'employer à prévenir, mais aussi l'Espagne avec ses potentielles menaces. Le pouvoir a l'expérience de la mort d'Henri III, dont la nouvelle avait été colportée selon des versions contestées. Il importe donc de prendre en charge immédiatement cette information. Michel Cassan, un de nos deux invités, a écrit un livre sur cette grande peur de 1610 et sur les moyens d'éviter que le royaume ne s'enflamme à la suite de la mort du roi. À peine un siècle plus tard, la rumeur règne toujours, mais cette fois-ci à l'égard de Louis XIV et de son état de santé. Constamment épié, contre-vérité, informations erronées, parfois en provenance de l'étranger, circulent couramment autour de la figure du roi. Lors de son dernier été, en 1715, des annonces contradictoires vont s'affronter entre une presse étrangère avide de nouvelles et des journaux français rares et surveillés, toujours prompts à minimiser les événements liés à la santé du souverain. Une émission co-animée par Séverine Yatard avec des textes lus par Mélodie Auru et commentée par nos deux invités, Alexis Lévrier, il est historien des médias et de la presse, spécialiste du 18e siècle, et il est maître de conférence à l'université de Reims. Michel Cassan, je l'ai déjà cité, professeur émérite de l'université de Poitiers, auteur chez Champvallon de La Grande Peur de 1610, et il a coordonné le volume de la revue Parlement titré Oiseau de malheur, qui est paru l'année dernière. Bonjour Séverine Yatard. Bonjour à vous Michel Cassan. Bonjour. Et bonjour Alexis Lévrier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors évidemment, on ne peut pas comparer l'information que nous connaissons aujourd'hui, même si vous le faites souvent Alexis Lévrier, puisque vous êtes sorti de votre 18e siècle de référence pour venir jusqu'à nous en tant qu'historien. On ne peut pas comparer la façon dont circule l'information aujourd'hui avec la façon dont elle circulait plus tôt. Michel Cassan, comment circule l'information mettons sous le règne d'Henri IV à la fin du XVIe, au tout début du XVIIe siècle, parce que donc Alexis Lévrier nous expliquera tout à l'heure que naît un journal, mais c'est après la mort d'Henri IV, qui s'appelle La Gazette, qui est censé être le premier journal de France, en l'occurrence, en chronologie. Mais auparavant, qu'est-ce qui se passe? Alors tout dépend de l'information dont on parle. Si on parle de l'information officielle, l'information qui est véhiculée, produite et véhiculée par le pouvoir, hors des frontières, par la papauté, par les conciles, le moyen le plus efficace et le plus assuré, ce sont des lettres, des missives, qui sont authentifiées, qui sont le plus souvent scellées et qui sont remises à des porteurs que l'on appelle les chevaucheurs et que l'on trouve d'ailleurs en France mais aussi dans d'autres États depuis au moins la fin du XVe siècle. Chaque prince, chaque principauté s'est doté de chevaucheurs. De poste, hein. Un système de poste qui est une poste réservée aux courriers royaux, aux courriers pontificaux, aux courriers extraordinaires. Et chaque souverain s'est préoccupé, un peu moins en France, ou tout au moins avec moins de succès, s'est préoccupé à mettre en place un réseau tenu par quelques familles. Alors ça, ce sont les chevaucheurs officiels, Michel Cassan, mais j'imagine évidemment il y a un système de circulation alternatif. Et vous en parlez d'ailleurs dans le cadre de la mort d'Henri IV, ce huguenot qui part chevauchant son cheval et qui se fait, je crois, qui reçoit un coup de bêche avant même presque son départ pour atteindre donc, on peut l'imaginer, une des villes plutôt protestantes du sud ou sud-ouest de la France. Oui, exactement. Alors, outre les chevaucheurs royaux, vous avez des chevaucheurs de ville. Et les villes, dès qu'elles sont importantes, et donc on doit pouvoir dire qu'il y a dans le royaume de France à peu près 200 villes au moins, qui ont la capacité de financer des messagers, que l'on appelle d'ailleurs des messagers jurés, et qui diffusent une information officielle. On a la même mais chose... Ces messagers vont jusqu'où ? Ils parcourent le reste du royaume ou ils ont un espace autour d'eux qui est limité, Michel Cassan ? Tout dépend. Tout dépend de la mission qui leur est confiée. D'accord. En fait, il y a d'une ville, ils vont le plus souvent à Paris, parce qu'il faut aller à la cour. Et à Paris, quand la cour se sédentarise dans la capitale, ils vont aussi beaucoup vers les villes parlementaires. Parce que les grands parlements, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont des affaires de justice, et il y a même des messagers jurés spécialisés dans le transport des sacs et des informations. C'est la formule officielle. On trouve cela à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. Et à côté de ces moyens et de ces porteurs officiels, stipendiés, vous avez des chevaucheurs ou des courriers beaucoup plus informels qui répondent à des exigences qui sont soit de défense et de circulation de l'information à l'intérieur de la galaxie protestante, qui sont en marge d'un circuit officiel, mais qui peuvent avoir une crédibilité. Et puis il y a si on va toujours selon ce critère du degré officiel au degré moins officiel, il y a les marchands et puis il y a les pèlerins. Et à ce moment-là, on est peut-être même des soldats et on passe progressivement de l'information avérée au bruit et à la nouvelle. Alors la question, c'est évidemment comment se contamine l'information avérée et se contamine la nouvelle. Alexis Lévrier, vous êtes spécialiste un peu plus tardif, plus près de nous, de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, en l'occurrence. Alors qu'est-ce qui se passe justement à partir du moment où il y a des médias dit officiel, où en 1631 naît la Gazette du célèbre Poitevin qui est mon compatriote Théophaste Renaudot, en l'occurrence Alexis Lévrier. Oui, alors donc il y a sous Louis XIII la naissance de la Gazette en 1631. C'est le premier journal qui va disposer d'un privilège perpétuel et donc d'un monopole de principe sur tout un domaine de l'actualité qui est l'information politique. Mais Louis XIV va étoffer ce système et va être quand même très étudié, très élaboré et dans un premier temps très efficace puisqu'il il permet la création en 1665 du journal des savants qui s'adresse lui au public érudit, qui était très influent, très puissant à l'époque. Et en 1672, c'est la création du Mercure Galant qui va avoir une énorme importance dans l'histoire de la presse et de l'information, puisque lui, il couvre plutôt l'information mondaine. Alors, il y a tout ce qui relève des belles-lettres, mais il y a aussi toute une partie qui est dédiée à la vie du roi et de la cour. C'est-à-dire le personnage central du Mercure Galant, c'est Louis XIV, et nous connaissons tout de sa vie, ou de sa vie officielle, en tout cas, par le Mercure Galant. Et puis, entre-temps, effectivement, entre cette période qui est celle de Michel Cassan et celle qui nous intéresse aussi à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, il y a évidemment la révocation de l'édit de Nantes et tous ces protestants qui nous sont décrits par Michel Cassan circulant, en faisant circuler des nouvelles de façon parallèle aux nouvelles qui viennent de la cour, eh bien, ils vont partir hors du royaume pour beaucoup d'entre eux et ils vont fonder des journaux, en l'occurrence Alexis Lévrier. Dans ces médias alternatifs qui naissent et qui naissent d'autant plus que on sait, tout le monde sait à l'époque que la presse est contrôlée par l'État, que c'est une information officielle et donc de propagande, même si le terme est un peu anachronique. Et du coup, il y a une suspicion à l'égard de cette parole officielle. Et elle existe à l'intérieur même du royaume, on en parlera peut-être, elle existe à l'oral, avec ce qu'on appelle les nouvellistes de bouche, qui commentent l'actualité et qui souvent vont remettre en cause la version officielle. Il y a les nouvellistes à la main, donc ce sont des périodiques manuscrits qui sont souvent clandestins et souvent très critiques. Et puis, il y a, comme vous le disiez, les protestants émigrés, souvent en Hollande, donc dans ce qu'on appelle la presse du refuge, et qui, obsédés par Louis XIV, qui les a chassés, qui les a persécutés, vont créer des périodiques hostiles au monarque. Et ce sont des écrivains alors, par exemple ceux de la Gazette, ce sont des aristocrates, on aura compris par exemple pour ceux qui sont partis, les protestants, mais voilà, les autres, comment ça se... ce fameux journal, la Gazette, et puis le Mercurial, le journal des savants, complètement contrôlé par l'État. L'écriture des articles, des nouvelles est confiée à une personne, à plusieurs. Alors, on ne connaît pas tout. Il y a des journalistes qui travaillent évidemment pour la Gazette, mais comme l'énonciation est complètement cachée dans la Gazette et dans toutes les Gazettes d'ailleurs, on doit viser à l'impersonnalité. L'information s'énonce d'elle-même, pure, et il n'y a pas de transmission. Sans filtre. Voilà. Hein. Donc, on connaît assez mal le fonctionnement de ces journaux dans un premier temps. Ce qui est sûr, c'est que Renaudot participe directement à l'écriture, qu'il va avoir en plus recours à quelqu'un qui s'appelle Jean Epstein, Jean Epstein, qui était le fondateur des Nouvelles Ordinaires de divers endroits, qui en 1631 était le journal concurrent de la Gazette et qui a été supprimé parce qu'il déplaisait au roi. On est passé d'un système en 1631, d'un système de concurrence à un système de monopole en quelques mois, et d'une pluralité de l'information à une uniformité de l'information. Et Epstein est devenu le collaborateur de Renaudot. Après, il y aura des bureaux de rédaction, on en sait relativement peu de choses, mais on sait que il y a évidemment, et puis il y a les informateurs qui ont un rôle prépondérant, qui transmettent les nouvelles aux rédacteurs eux-mêmes. Alors Michel Cassan, si on revient au début de la période qui nous intéresse, c'est-à-dire cette période sur laquelle vous avez écrit un livre, à savoir la mort d'Henri IV et la façon dont avait circulé justement la nouvelle de cette mort, vous pouvez nous expliquer quel est le panorama exact au moment de la mort de Henri IV en 1610, justement ce que vous nous avez dit tout à l'heure, des officiels, des nouvelles officielles, des nouvelles qui le sont moins, mais pas de journal, il n'y a pas de journal à ce moment-là. Non, il n'y a pas de journal. Et le pouvoir, lors de la mort d'Henri IV, donc le 14 mai 1610, le pouvoir a eu une préoccupation évidente que l'on détermine en suivant dans le temps très court le déroulement des événements. Ça a été d'éviter toute fausse nouvelle et de contrôler complètement, de manière quasi hermétique, de contrôler l'information et de faire qu'il y ait tout de suite une version et que cette version réussisse à saturer l'espace public, pour simplifier, même si cet espace public... Vous dites tout de suite, Michel Cassan, mais en même temps, il y a eu un temps de, je crois, 2-3 heures... un temps de avant d'informer de la mort vraiment d'Henri IV, vous l'expliquez. D'abord, le roi est blessé. Alors... Et après, on se réunit pour annoncer, enfin diffuser ces communiqués officiels. Oui, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un flottement, sans doute de 2 heures à 3 heures dans la capitale. Mais probablement, faut-il se rappeler le contexte, c'est la veille de l'entrée de la reine. On pense que le roi partira à la guerre après l'entrée. Il y a des modifications dans les lieux où siège le Parlement, en raison de cette fête qui s'annonce, il est du côté des grands Augustins. Et dans la capitale, il y a énormément de monde. Et il y a beaucoup d'impondérables qu'on pourrait énumérer qui nécessitent un arbitrage entre diverses positions. Le roi étant décédé, la question de la régence se pose et à qui sera confiée la régence. Et il faut régler tout cela en quelques heures. Et qui est Nicolas IV de Neuville, seigneur de Villeroy, dont on va lire, Mélodie Heureux est avec nous, un petit texte qu'il a rédigé à destination de l'ambassadeur résident à Düsseldorf, Jean Hotman. Oui, alors ça c'est un des personnages clés de cette séquence de la fin de l'après-midi. C'est un secrétaire d'État, c'est quelqu'un qui est proche de la reine, de Marie de Médicis, parce qu'il est à peu près certain que c'est un tout petit noyau qui a décidé de la passation du pouvoir, de l'organisation des événements en lien avec le président du Parlement de Paris, le second président. Le premier était malade, il avait la goutte. Mais ce sont quelques hommes qui ont joué un rôle extrêmement important et qui ont contribué à la rédaction des lettres closes qui sont ensuite envoyées dans le royaume. Monsieur, le malheureux accident survenu cet après-dîner en la personne du roi, qui a été frappé d'un coup de couteau dont il est décédé, nous tient en tel trouble et si empêché à pourvoir aux affaires du royaume que vous m'excuserez bien si je ne vous fais ce mot de ma main. Car ce n'est que pour vous tenir averti de ce malheur et que le méchant est prisonnier. duquel nous espérons en bref découvrir la vérité de ce misérable acte, et qui auront été les auteurs de celui-ci, dont nous aurons soin de vous informer plus à loisir comme de l'état nouveau des affaires. Cependant, vous continuerez à bien servir notre majesté, et je prie Dieu, monsieur, qu'il vous conserve en santé. De Paris, ce 14 mai 1610, votre très affectionné serviteur de Neuville. On peut dire que c'est la version officielle, ça, qui est écrite par Nicolas IV de Neuville, secrétaire d'État. Oui, c'est la version officielle. Et cette version-là, elle est expédiée à Jean Hauptmann, qui est un ambassadeur résident, un protestant, un homme très célèbre, qui a été publié le premier traité en français sur la dignité de l'ambassadeur en 1603 en France, en Angleterre. Et là, il reçoit cette information qui est à peu près la même que celle qui est adressée aux villes de France, aux gouverneurs de France. Et on remarque que dans le texte, tout est exact, mais il y a quand même beaucoup de blancs. Il y a beaucoup de passages qui sont absents. Simplement, l'information est exacte et il faut que cette information soit entre les mains le plus rapidement possible de Hauptmann, qui est à Düsseldorf, parce que la guerre est probable pour une question de rivalité avec l'Empire. Et il faut que Hauptmann ait des informations au moins aussi rapidement que les ambassadeurs et les résidents espagnols ou impériaux, ce qui n'était pas toujours le cas. C'est Brignata. Pardon. Du coup, on voulait donc continuer les lectures dans le cas donc d'une autre cité importante, Michel Cassan évidemment, qui est Lyon, parce que évidemment les coursiers officiels vont partir dans toute la France. D'ailleurs, vous avez établi une carte pour savoir à quel moment telle ou telle ville allait recevoir l'information. Donc, vous avez établi de 1 à 7 jours, jusque dans le Languedoc, pratiquement. Et donc, à partir de là, il va y avoir capillarité, puisque aussi de ces villes-là, de Lyon, vont partir d'autres informateurs, évidemment. C'est combien le temps de circulation, pourrait-on dire, d'une information de ce type ? La mort du roi, c'est quand même l'information principale pour un royaume comme le royaume de France. Il va falloir combien de temps pour que, sur la globalité, tous les sujets du roi soient au courant, ou plus ou moins au courant? C'est 2 semaines, 3 semaines, combien de temps pour que ça parvienne jusqu'aux plus profondes provinces de France? Alors, jusqu'au plus profond des provinces de France, je ne pourrais pas dire autre chose qu'une approximation, dans la mesure où l'enquête que j'ai menée, c'était à partir des registres de délibération consulaire ou des témoins qui étaient dans les provinces. Et on voit bien que en deçà des bourgades, il n'y a pas d'enregistrement de la nouvelle. Donc là, on peut penser que la nouvelle a sans doute été annoncée peut-être par un prêtre. Donc là, on est au-delà de 3 semaines. Mais pour la totalité du royaume, des grandes villes, du royaume utile, si on veut, avec une formule un peu rapide, en 10 jours, à peu près tout le royaume le sait. Et on a une progression qui est assez logique par rapport à la vitesse des coursiers qui parcourent à peu près 140 km par jour, 150 km par jour. Évidemment, il y a les aspects topographiques et il y a aussi quelques destinations qui sont vraiment prioritaires. L'est du royaume, parce qu'il y a l'armée, quelques villes qui sont des villes très importantes, Tours, avec son souvenir, son passé de capitale royale proche, peut-être Rouen et les frontières vraiment méridionales. Et puis Lyon qui fut, d'ailleurs nous avons consacré il y a quelque temps une émission à ce sujet, qui fut brièvement une cité protestante, on la pense toujours catholique, mais très peu de temps auparavant, donc avant la mort d'Henri IV, ce fut une cité brièvement protestante. Et bien justement, la question de la transformation de cette nouvelle, le transport de cette nouvelle jusqu'à Lyon, est une question qui se pose. On a rappelé que c'était le 14 mai 1610 que Nicolas IV de Neuville envoyait cette nouvelle. Nous sommes 3 jours plus tard, Mélodie Auru. Le lundi 17e jour de mai 1610, de grand matin, Monseigneur d'Alincourt, chevalier des deux ordres du roi, conseiller de ses conseils privés et d'État, capitaine de 100 hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté à Lyon, pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais, grand maréchal des logis de France, aurait mandé messieurs le prévôt des marchands et échevins de la dite ville, auquel il aurait dit avoir eu avis certain le soir précédent, que le vendredi 14e des susdits mois et ans, sur les 4 heures après-midi, le roi étant en carrosse et s'en allant du Louvre à l'arsenal, avait été frappé grièvement d'un coup de couteau dans le flanc, dont il était en grand danger. Et combien qu'il n'en eût aucune lettre ni commandement particulier sur ce sujet, néanmoins l'importance de l'accident l'avait convié de travailler toute cette nuit à pourvoir à plusieurs affaires pour la sûreté des places de ce gouvernement. Et autrement, selon qu'il a jugé que le bien du service de Sa Majesté le pouvait requérir, et que c'était l'occasion pourquoi il n'avait voulu permettre que les portes de la dite ville fussent ouvertes, et exhorter et prier tous les habitants de cette ville de demeurer fermes en l'obéissance qu'il a reconnue, et de pourvoir à ce que les gardes fussent faites ainsi qu'il appartient, s'offrant d'employer son sang et sa vie pour la conservation de cette ville, n'ayant autre objet que le bien et repos d'Icel sous l'obéissance du roi dû à cette couronne, laquelle, quand il aurait plu à Dieu disposer du roi, à cette fois serait acquise à Monseigneur le Dauphin, sous la reine sa mère. Voilà donc un cas particulier, puisque cette nouvelle parvient jusqu'à Lyon, mais on la retient, on la maintient avec cet argument, Michel Cassan, de la sûreté des places. C'est un argument très important dans le cadre d'un pays qui sort d'une guerre civile, une guerre de religion très longue. Cette question de la sûreté des places est une question qui obsède visiblement les gens qui sont autour du roi à la cour. Oui, exactement. Alors, c'est une situation assez récurrente lorsqu'il y a un événement de cette importance. La priorité, c'est de mettre les villes en sécurité. Mais dans le cas de 1610, il est certain que l'onde de choc des guerres de religion et surtout de la dernière séquence des guerres de religion entre l'opposition, entre les ligueurs et derrière la main de l'Espagne et ce qu'on a appelé les bons Français, qui se sont ralliés à Henri IV, qui ont gagné, cette onde de choc est encore extrêmement présente. Et toutes les décisions des corps de ville peuvent ou des parlementaires peuvent se lire sans forcer les faits à l'aune de cette réalité. Et dans le cas de Lyon, la ville qui a eu un passé protestant est ensuite devenue un bastion du catholicisme ligueur. Et en 1610, là, il y a la crainte d'une reprise du conflit ou d'une reprise d'une activité crypto-catholique ou autre. Dans d'autres villes, ce sera la crainte de l'Espagne. Et c'est très marqué, surtout dans le sud du royaume. Le sud du royaume est très très inquiété par l'arrivée possible, le retour possible de l'Espagne, qui, il faut le rappeler, est vraiment l'ennemi numéro un du royaume depuis le début du XVIe siècle. Mais vous dites par exemple que justement en province, Guillaume Duvert va falsifier l'information, mais jouer de la peur de l'Espagne pour justement ne pas dévoiler l'information de la mort d'Henri IV. Il y a une sorte d'ambiguïté aussi dans la manipulation de l'information. Là, il y a une manipulation de l'information. C'est-à-dire que à Paris, ce qui s'est fait autour de la reine-mère, c'est une information factuelle, mais cette information, elle est exacte. Elle peut apparaître incomplète. Ravaillac, ils ne connaissent pas encore le nom de Ravaillac, mais ils disent c'est un malheureux assassin, donc on ne sait pas. On parle pas. Parfois d'un Espagnol qui, d'ailleurs, dans les nouvelles, on dit c'est souvent un Espagnol. Oui, c'est justement l'écart entre l'information officielle qui dit c'est un malheureux assassin, ce qui dit beaucoup et peu, et la manière dont l'information est ensuite modifiée par la population, qui veut voir un Espagnol, qui veut voir un Flamand, qui veut voir un soldat, et il y a tout un discours, toute une qualification d'un homme qui ne provient pas du pouvoir. Le pouvoir a donné une structure, une information neutre, mais en province, les autorités qui reçoivent cette information neutre la rechargent, ils la modifient, et cela va de l'attente au à ce qu'on peut appeler à peu près une fausse information de manière temporaire, avec Guillaume Duvert qui sait très bien que le roi est mort et qui dit fermons les villes, mettez les gardes bourgeoises en état d'alerte, parce que nous apprenons que l'Espagne va arriver. Mmh. Et il faut se rappeler Aix-en-Provence, Marseille, les flottes, la proximité de Gênes et les flottes espagnoles qui cabotent assez régulièrement. Donc il y a de la crédibilité, sans compter que Marseille fut une des principales, une des dernières villes ligueuses du royaume. Donc ça, c'est pour tenir la ville, en fait. C'est pour qu'il n'y ait pas... C'est pour tenir la ville. Alors, le point opaque, c'est est-ce que Guillaume Duvert crée ce discours de façon totalement, disons, machiavélique, ou est-ce qu'il est un peu persuadé qu'après tout, il peut y avoir une attaque espagnole, et il n'en dira rien dans ses textes. Nous n'aurons pas le temps de lire d'autres textes en particulier qui mettent en avant cette question de transmission d'informations entre villes protestantes. Mais, par exemple, on peut lire tout de suite la lettre du sieur Séguin, écrite à Marvejol et remise à un porteur, avec comme suscription « Entre les 18 et 19 mai 1610 ». Donc, 14 mai, 18 mai, on est à Marvejol, effectivement, en Lozère. On est déjà à 4-5 jours après la mort du souverain. Donc, voici ce qu'il écrit, ce sieur Séguin. À messieurs les consuls et conseils de Florac. Messieurs, nous avons reçu de diverses parts des avis que nous nous devons garder et qu'il y a quelques mauvaises nouvelles du côté de la cour. Nous vous envoyons exprès ce porteur afin que vous participiez au même avis pour en faire votre profit contre ceux qui vous voudront procurer du mal. Ne méprisez pas, je vous supplie, ce que j'en dis. Et croyez qu'il est nécessaire de veiller, attendant que Dieu nous envoie de meilleures nouvelles. Et dans cette attente, je reste pour jamais, messieurs, votre très humble serviteur de Séguin. À Marvejol, ce 18 mai, 2h après minuit. J'ai promis au porteur que vous le contenteriez suivant sa diligence. Franchement, quand on lit ça, on ne sait pas ce que ça signifie, d'une certaine façon. Tout le monde doit le comprendre, Michel Cassan, mais dire « pour en faire votre profit contre ceux qui vous voudront procurer du mal, il y a quelques mauvaises nouvelles du côté de la cour ». Quelles mauvaises nouvelles ? Il faut donc interpréter un tel texte, et j'imagine que les lecteurs, comme d'ailleurs le scripteur, savaient très bien ce qu'ils voulaient dire par un texte comme celui-ci, Michel Cassan. Oui, très certainement. Là, ce que l'on voit, c'est une correspondance qui va de ville à ville avec ce personnage de Séguin qui écrit toute la nuit, puisqu'on a d'autres lettres et il date minuit, 2h du matin, depuis Marvejol. On est avec des villes dont on sait qu'elles ont une communauté protestante importante, que peut-être elles ont aussi des consulats totalement protestants ou en tout cas mis partis. Mais il y a la crainte d'une attaque, la crainte de troubles, et il faut un langage codé, surtout que ces messages ne sont sûrement pas scellés. Donc le porteur, en qui Séguin doit avoir une entière confiance, mais il n'est pas certain que ce porteur ne soit pas indélicat, il n'est pas certain qu'il ne soit pas aussi attaqué, qu'il ne soit pas pillé, et que la nouvelle aille entre des mains et des oreilles auxquelles elle n'est pas destinée. Donc on voit là aussi un climat de peur assez obsidionnel à ce moment-là, dans ce Gévaudan et cette partie du royaume marquée par les conflits confessionnels. Et vous notez d'ailleurs, Michel Cassan, que donc la nouvelle arrive dans les villes, aux échevins, aux présidents de parlement, etc., et qu'on va, en tous les cas, va être transmise très modérément, par contre, aux autorités ecclésiastiques. Parce que du fait de ce contexte de guerre de religion, par peur que finalement elle soit transformée peut-être aussi par ses autorités à la réception. Oui, et ce qui est net, c'est que l'État s'est appuyé sur l'appareil politique qui met les gouverneurs, les lieutenants généraux, les villes, et qui met de côté l'Église. Et quand localement le consulat ou le maire décide de s'adresser à des ecclésiastiques, il prend soin de convoquer à la fois le pasteur ou d'avertir à la fois le pasteur et le principal représentant de l'évêque. Il y a là la volonté surtout de la part du pouvoir à tous les niveaux de ne pas heurter la communauté protestante, parce que c'est la communauté protestante qui ressent le plus douloureusement la mort d'Henri IV, qu'elle a continué à voir comme un co-religionnaire, même s'il y a eu des propos très rudes vis-à-vis de l'homme qui avait abjuré. Alors, si on saute dans le temps avec vous, Alexis Lévrier, après avoir parlé justement de la façon dont s'était transmise la nouvelle de la mort d'Henri IV en 1610, et qu'on l'on vient dans cette fin de 17e siècle et début du 18e siècle avec le grand souverain qu'est Louis XIV, c'est un peu différent, on l'a dit, naissance de plusieurs journaux officiels, donc la Gazette, le Journal des Savants et le Mercure Galant, dans cette première et deuxième moitié du XVIIe siècle, ce qui change par rapport à ce que vient de décrire Michel Cassan. Et puis aussi un roi qui veut contrôler lui aussi l'information, mais de façon beaucoup plus régulière, beaucoup plus présente, et qui est toujours menacé justement dans sa santé. On vous racontait que dès l'âge de 9 ans, il est lui-même mis en cause. On fait circuler la nouvelle de la mort du jeune roi à 9 ans et qu'il sera en permanence ausculté, regardé, espionné, pourrait-on dire, pour savoir dans quel état il est. C'est le plus grand souverain de l'Europe à ce moment-là. Et donc, évidemment, sa santé est particulièrement importante pour ceux qui veulent transporter des nouvelles. Oui, c'est à relier à la mise en place de l'absolutisme. C'est-à-dire que tout converge vers le roi et, par conséquent, la solidité de la monarchie repose sur la capacité de Louis XIV à exercer son pouvoir. Or, ce que l'on constate, c'est que tout au long de ce règne de plus de 7 décennies, il a connu des problèmes de santé, contrairement à l'image qu'on en a gardée d'ailleurs d'un roi éternellement. On a gardé cette image parce que la Gazette et les journaux officiels ont toujours dit qu'il était invincible et que sa santé était de fer. Alors, quand on regarde ça plus dans la nuance, on s'aperçoit aussi que ces journaux, on est à l'aube de la presse imprimée, étaient capables de maladresses contre-productives. Et d'ailleurs, dès le début, puisque en 1638... La naissance même de Louis XIV. Même sa naissance. C'est un roi qui naît après beaucoup de fausses couches et d'Anne d'Autriche, elle a presque 38 ans. Et lui, dans les premiers temps, on apprend par la Gazette que les nourrices se succèdent auprès du jeune roi parce qu'il y a des problèmes pour l'alimenter. Bon, et ça, c'est la Gazette qui le dit. Alors évidemment, les rumeurs vont naître. Donc l'information officielle. Voilà, l'information officielle. Du coup, il y aura un correctif dans le numéro suivant pour dire il n'y a aucun problème, tout va très bien. Mais donc, on a des erreurs, y compris dans ces journaux-là. Même si on est dans un système de contrôle de l'information très élaboré, il y a parfois des erreurs dans ce contrôle. Et après, tout au long, vous avez rappelé qu'à 9 ans, de la variole, la petite vérole, qui va, il faut avoir ça en tête, lui laisser le visage grêlé. À 19 ans, c'est ensuite le typhus à Calais. Et alors, comme il n'est pas à Paris, justement, à ce moment-là, à Paris vont circuler les pires rumeurs. Et aux frontières du royaume, des dépêches vont annoncer sa mort. Donc là, on a vraiment l'annonce d'une fausse mort de Louis XIV. Alors, il est difficile de savoir à chaque fois pour ces fausses morts de Louis XIV, ces annonces contradictoires et erronées, si on est dans le cas d'une manipulation de l'information voulue par les pays étrangers ou simplement dans des erreurs journalistiques, puisque on a, en raison des lenteurs de la transmission de l'information... Et des incertitudes médicales aussi, faut le dire, à l'époque. Dans le cas du typhus, il était vraiment à l'article de la mort. On a autorisé l'utilisation de vin émétique sans savoir finalement ce que ça donnerait, et c'est une sorte de miracle, et ça va le laisser entièrement chauve. Donc il a le visage grêlé à 9 ans, il est chauve à 19 ans, et pourtant l'image que nous avons aujourd'hui du roi, c'est ce port altier et cette capacité comme ça à être éternellement jeune. Tout le contraire de cela. Justement, la Gazette, son rôle, c'est qu'au sortir de la maladie, alors que le danger est évacué, alors là, il faut renvoyer l'image d'un roi, un survivant, remettre en scène, en spectacle, le fait qu'il a combattu cette maladie, cette mort, et donc on a droit à un surroi, du coup, à chaque fois, à chaque sortie de maladie. Le rôle de la presse, ce sera surtout celui du Mercure après sa création, mais avant, la Gazette jouait ce rôle, c'est de sacraliser le corps du roi. Et par conséquent, on va cacher ces maladies, mais lorsqu'il survit à une maladie, ou lorsqu'il survit par exemple en 1683 à une grave chute de cheval, on va au contraire mettre en évidence sa capacité presque surnaturelle à surmonter la douleur, à résister à des maux qui devraient tuer le commun des mortels. Donc, on cache les maladies, mais on apprend d'ailleurs souvent l'existence de ces maladies une fois qu'il en a réchappé pour nous dire à quel point il a été d'un courage et d'une solidité physique hors norme. Alors, nous avions consacré il y a 3 ans de cela un documentaire à ce moment très particulier de la mort de Louis XV en 1715, et nous avions rappelé effectivement cet épisode très connu dans le Royaume de France et dans l'Europe entière, puisque ça avait été célébré partout, cet épisode de la fistule. Donc voilà, en 1686, un souverain qui fait savoir qu'il a, enfin, on rapporte qu'il a une fistule anale qui va le prendre pendant toute l'année avant qu'on trouve une solution pour pouvoir l'en débarrasser. C'est à la fin de l'année 1686, et pendant toute cette année, eh bien, toutes les cours d'Europe, toutes les gazettes vont essayer de dire, et vous le disiez tout à l'heure, à un moment, il va mourir. Non, il n'est pas mort. Au moment où il en réchappe, on pense qu'il est mort, etc. Avec ces contretemps, pourrait-on dire, entre Amsterdam, Genève, Londres et Paris, pour pouvoir savoir ce qu'il en est de la maladie très longue de ce roi qui, finalement, va en réchapper en 1686, Alexis Livrier. Alors là, le mercure est obligé d'en parler. Puisque, comme vous le disiez, toute l'année, cette douleur a accompagné le roi, et le mercure y fait allusion. Alors, pour minorer cette douleur et cette souffrance, mais quand même, même si on minimise la gravité, on reconnaît l'existence de ce mal. Et du coup, la presse étrangère, surtout qu'entre-temps, alors je sais que vous recevez demain Marion Bretéché, qui est la grande spécialiste des mercures hollandais, donc non pas le mercure galant, mais des mercures qui apparaissent aux frontières du royaume pour contester la politique du roi. Et dans ces mercures hollandais, on va avoir un décryptage, en fait, de la parole officielle, de ce qui est dit dans le mercure galant ou de ce qui est dit dans la gazette, pour dire non, il va mourir, c'est sûr. Et en fait, autant la presse officielle sacralise le corps du roi, autant la mission de ces journaux périphériques, on parle de gazette ou de mercure périphérique, ont pour mission de désacraliser le corps du roi et de montrer que comme tout être humain, il est susceptible de succomber à ce mal très grave. Voilà, et donc évidemment, quand en 1715, ce mal très grave va finir par le prendre, eh bien, il y a toujours le souvenir de ces moments dramatiques qui ont été ressassés par les médias de l'époque. À chaque fois que la santé du roi et de Louis XIV a été mise en cause, et c'est ce que raconte dans ses mémoires le duc de Saint-Simon, un passage qui raconte comment, 3 mois avant sa mort, eh bien, justement, Louis XIV apprend dans une discussion à Marly, qu'à Londres, on parie sur la date de sa propre mort. On voyait la santé du roi décliner sensiblement, et son appétit, qui était fort grand et toujours égal, très considérablement diminué. Si l'attention y était grande au milieu de sa cour, où il n'avait pas néanmoins changé la moindre chose en la manière accoutumée de sa vie, ni en l'arrangement divers de ses journées, toujours les mêmes dans leur diversité, les pays étrangers n'y étaient pas moins attentifs, et guère moins bien informés. Les paris s'ouvrirent donc en Angleterre que sa vie passerait ou ne passerait pas le 4 septembre, c'est-à-dire environ 3 mois, et quoique le roi voulût tout savoir, on peut juger que personne ne fut fort pressé de lui apprendre ses nouvelles de Londres. Il se faisait ordinairement lire les gazettes de Hollande, en particulier par Torcy, souvent après le Conseil d'État. Un jour qu'à cette heure-là, Torcy lui faisait cette lecture, qu'il n'avait point parcourue auparavant, il rencontra ses paris à l'article de Londres. Il s'arrêta, balbutia et les sauta. Le roi, qui s'en aperçut aisément, lui demanda la cause de son embarras. Ce qu'il passait et pourquoi. Torcy rougit jusqu'au blanc des yeux, dit ce qu'il put, enfin que c'était quelque impertinence indigne de lui être lue. Le roi insista, Torcy aussi, dans le dernier embarras. Enfin, il ne put résister au commandement réitéré. Il lui lut les paris tout du long. Le roi ne fit pas semblant d'en être touché, mais il le fut profondément. Et au point que, s'étant mis à table incontinent après, il ne put se tenir d'en parler. en regardant la compagnie, mais sans faire mention de la Gazette. C'était à Marly, où quelquefois j'allais faire ma cour au commencement du petit couvert, et le hasard fit que j'y étais ce jour-là. Le roi me regarda, comme les autres, mais comme exigeant quelques réponses. Je me gardais bien d'ouvrir la bouche, et je baissais les yeux. Sur le Dies Irae de Delalande qui accompagne la mort de Louis XIV, donc ce texte du duc de Saint-Simon où on voit le roi très inquiet de savoir qu'on parie sur sa mort. Et surtout on voit le roi qui se fait lire, évidemment, la presse de l'étranger, la Gazette justement de Hollande. C'est l'autre paradoxe. Excusez-moi, c'est l'un des nombreux paradoxes de la presse d'Ancien Régime, c'est-à-dire que officiellement il n'y a que ces trois journaux qui sont autorisés, mais en réalité les journaux hollandais circulent dans le royaume. Et le Louis XIV, et autant les protestants immigrés sont obsédés par Louis XIV, tant lui-même est obsédé par ce qu'on dit de lui à l'étranger. Et effectivement, on sait, et c'est documenté par Saint-Simon, mais également par d'autres contemporains, qu'il se faisait lire très régulièrement les Gazettes de Hollande. On ne sait pas exactement quelle est cette Gazette qui annonce la mort du roi, là. Mais par contre, on sait que la Quintessence des Nouvelles, dont nous parlerons tout à l'heure, était lue par Louis XIV jusqu'à la fin de son règne. Donc il a entendu ces annonces fausses de sa mort, qui en l'occurrence, on voit que les bookmakers anglais ne se sont pas trompés. Puisque, ouais. Il est mort le premier. On annonce pour le 4 et il est mort le premier. Moi, qui est dans un régime comme ça, absolutiste, qui veut tout contrôler, il paraît assez logique d'aller lire les contre-pouvoirs et l'opposition pour mieux la contrer. et tout le monde le lisait. C'est-à-dire que les nouvellistes de bouche, les nouvellistes à la main, tous ceux qui dans les cafés, dans les jardins, dans tous les lieux publics, se réunissaient pour commenter l'actualité, avec à la main gauche, si vous voulez, la Gazette, et à la main droite, les Mercure hollandais, pour savoir et essayer de faire la part du vrai et du mensonge. Et ce qui est amusant, c'est que un autre pouvoir, bien plus tard, au XXe siècle, a autorisé des radios dites périphériques qui, justement, ne voulaient pas, n'avaient pas pour prétention de casser le monopole de la radio et télévision nationale. C'était les radios qui étaient installées dans la périphérie du Royaume de France, en tout cas de la République française, en Sarre pour Europe 1, à Andorre pour Sud Radio, ou encore à Monte-Carlo ou au Luxembourg, effectivement. Et là, vous nous racontez qu'il y avait des presses périphériques au XVIIe, XVIIIe siècle, qui étaient, là aussi, faites pour contrôler, enfin pour contrer justement ce monopole de la presse à l'intérieur du royaume. Oui, alors il faut toujours se méfier des comparaisons historiques, vous le disiez tout à l'heure, mais on est obligé pour l'histoire de France. Alors, c'est dû, à mon avis, au fait qu'on a eu toujours, ou en tout cas dans beaucoup de périodes, et on y est revenu vraiment aujourd'hui avec la Ve République, un pouvoir centralisé, personnalisé, et du coup une suspicion de contrôle de l'information, et du coup des métiers alternatifs autour qui essayent de décrypter, de commenter et souvent de mettre en cause cette information officielle. Présentez-nous Anne-Marguerite Petit-Dunoyer, dont on va lire un extrait de sa Quintessence des Nouvelles, datant justement de septembre 1715. Alors, c'est une immense journaliste, un peu oubliée aujourd'hui, mais que j'essaye avec d'autres de réhabiliter. Elle fait partie, c'est une Nîmoise exilée à La Haye au début du XVIIIe siècle. Protestante. Protestante, bien sûr. Et qui va devenir à La Haye une des plus grandes journalistes de son temps. D'abord avec des lettres historiques et galantes, et puis en reprenant un périodique, ce qu'on appelait un lardon. Alors un lardon parce que ça se présentait sous une forme oblongue, donc très longue, imprimée sur un seul côté. Ça paraissait trois fois par semaine, et deux fois par semaine, pardon. Et dans ce lardon, alors ça désigne aussi le lardon, c'est un trait d'esprit, une raillerie. Or, c'est une presse très polémique et qui, en même temps, c'est vraiment un mélange de tons, annonce des choses vraies et discute de ce qui se passe en France. Elle est obsédée par Louis XIV, fascinée par lui et avec une relation totalement contradictoire parce qu'elle raconte dans ses mémoires qu'elle l'a côtoyé, qu'elle est arrivée jusqu'à lui à Versailles. Donc, elle l'admire. Et en même temps, elle le déteste, puisqu'elle a dû quitter la France à cause de lui. Et donc, à cause de la révocation de l'édit de Nantes, évidemment. Et c'est une journaliste très influente et très puissante. On sait, par exemple, que Voltaire, alors le très jeune Voltaire, qui ne s'appelle pas encore comme ça, mais simplement François-Marie Arouet, a dû quitter la Hollande sous la pression de Anne-Margret Petit-Dunoyer parce qu'il avait commencé un commerce amoureux avec sa fille, Olympe, qu'on appelait Pimpette. Et ses amours entre Pimpette et Voltaire ont été contrariés en raison de l'action de Madame Dunoyer qui a ordonné le renvoi de Voltaire en France. On ne sait pas si c'est pour cette raison qu'il détestait à ce point les journalistes, mais en tout cas, une journaliste a obtenu son renvoi de Hollande et son retour en France. Alors donc, voilà, elle croit savoir effectivement que le roi est peut-être mort, peut-être pas mort, et elle exprime dans sa Quintessence des Nouvelles, numéro 2, septembre 1715, Mélodie aux rues. On apprend de Versailles que le 24 du mois passé, le jeune dauphin et tous les princes du sang de France furent appelés dans la chambre du roi, où ils restèrent quelque temps sans qu'on ait su la raison pour laquelle ils y avaient été, ni ce qui s'était passé dans cette visite. Le lendemain jour de Saint-Louis, la fête de Sa Majesté fut célébrée, selon la coutume, par des feux d'artifice et autres réjouissances. Monsieur l'abbé Bignon prêcha dans la chapelle du Louvre avec beaucoup d'applaudissements et fit le panégyrique de Saint-Louis et du roi de la manière du monde la plus éloquente. Le jour, il y eut un très beau concert au Palais des Tuileries qui dura jusqu'à minuit et auquel une infinité de personnes de distinction de l'un et de l'autre sexe se firent un plaisir d'assister. Chacun se réjouissait de ce que la maladie de Sa Majesté n'avait pas eu de suite fâcheuse. On comptait même que ce monarque serait bientôt entièrement rétabli, car ses douleurs étaient diminuées et la grande altération dont il était travaillé avait été apaisée par l'usage du lait d'ânesse. Mais malgré toutes ces espérances de convalescence, et malgré tous les vœux qu'on faisait pour le cela, le ciel en avait ordonné autrement. Et le 26 août, sur les 7 à 8 heures du matin, Sa Majesté mourut, âgée de 78 ans, et dans la 74e année de son règne. Règne dont le cours a été presque toujours heureux, et qu'on pourrait regarder comme très glorieux si les mauvais conseils n'avaient pas prévalu sur le bon cœur de ce prince et ne lui avaient pas fait en quelque manière tenir une infinité de vertus par la rigueur qu'il a exercée contre ses sujets protestants. C'est là le seul endroit qui pourra faire du tort à sa mémoire. Voilà donc ce qu'écrit Anne-Marguerite Petit-Dunoyer qui annonce carrément la mort du roi le 26 août sur les 7 à 8 heures du matin. Or, il est mort le 1er septembre, donc elle croit savoir qu'il est mort ce jour-là. Ça n'est pas vrai. Et lorsqu'elle va publier un démenti, eh bien, elle dira après coup, oui, si, si, quand même, il est bien mort, mais pas le jour où j'avais annoncé. C'est ça. En fait, le 2 septembre, c'est ça tout le paradoxe, le jour où paraît cette feuille qu'on vient de lire, il est bien mort. Il est mort la veille, le premier. Mais pas le 24. Il n'est pas mort le 26 août. 26 août. Ce qui l'amènera dans le numéro suivant du 5 septembre à démentir cette annonce précédente. Et on a simplement une ligne à la fin où elle dit que un exprès, donc c'est un courrier envoyé pour cette cause-là, pour cette raison-là, vient de rapporter la mort du roi le 1er septembre. Et là, cette fois-ci, c'est précis, c'est l'information officielle. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans une fake news au sens fort. C'est pas de la manipulation de l'information. C'est une erreur journalistique, comme on en voit encore sur Twitter. Due à la circulation de l'information, quoi. Oui, sans les lenteurs dans la transmission de l'information. On a la même erreur dans la Gazette d'Amsterdam, qui le 3 septembre annonce que le roi est encore vivant, alors qu'il est déjà mort. Donc il y a des nouvelles contradictoires qui se succèdent, et les journalistes hollandais essayent de savoir où est la vérité, et souvent ils se trompent, comme l'a fait ici Madame Dunoyer. Mais c'est très bien de réhabiliter Anne-Marguerite Petit-Dunoyer. Je dois reconnaître que je ne connaissais pas cette personne, mais visiblement ça mérite, son œuvre mérite d'être remise en avant justement pour raconter la façon dont on pouvait, depuis des points très lointains, parce qu'une des questions dont on peut se poser, c'est qui sont ces informateurs ? Parce que c'est tout de même très précis. On sait qu'il y a une messe, on sait qu'il y a un concert qui a duré jusqu'à minuit aux Tuileries, donc il y a bien des gens qui l'informent en l'occurrence. Oui, il y a des courriers, il y a des messagers qui arrivent à cheval de France. Alors là, elle ne documente pas les conditions de transmission de l'information, mais comme je vous le disais, lorsqu'on a finalement la nouvelle sur qu'il est mort le 1er septembre, elle nous dit que c'est un exprès qui arrive, donc c'était souvent ça, assez proche du temps d'Henri IV sur ce point-là, ce sont des courriers envoyés à cheval, soit d'une manière régulière, le courrier tel qu'il arrive normalement, soit vraiment, quand il s'agit d'un événement important, on envoie un exprès de France pour annoncer la nouvelle. Merci à tous les trois, Mélodie Auru, pour avoir lu les textes d'aujourd'hui. Merci à vous, Michel Cassan. Je rappelle que votre livre s'intitule « La grande peur de 1610 » et qu'il est extrêmement précis. Il nous permet véritablement de voir comment circule une information dans le Royaume de France au tout début du XVIIe siècle. Il est paru chez Champvallon. Et quant à vous, eh bien, l'article qui nous a permis de travailler avec vous sur cette question de la mort du roi et de la façon dont elle était transmise du temps de Louis XIV est publié dans un numéro du Temps des médias dont on parlera demain. Avec vous, Cyril Niattar. Un Temps des médias voilà, qui travaille sur cette question des fake news, des fausses informations, de la Gazette. À Twitter. Et ça sera donc le thème de notre émission de demain avec celles qui ont coordonné ce numéro du Temps des médias dont on parlera demain. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati, Théo Gomard nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et donc nous avons donc jusqu'à demain pour réfléchir à la façon dont circulaient ces informations en réécoutant cette émission sur franceculture.fr ou encore en discutant sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. N'hésitez pas à discuter avec nous sur ce groupe ou encore à nous suivre sur le réseau Twitter, l'adresse Twitter de La Fabrique, c'est Fabrique FC, une émission qui a été réalisée par Thomas Duterre.